La légende des singes. Прослушайте текст и скажите, почему султан решил наказать своих подданных. Au bord de la mer Rouge, en Arabie, il y a une ville appelée Eyla. C'était une ville magnifique et riche, mais ses habitants étaient avares et sans cœur. Ils vivaient surtout de la pêche et du commerce, allaient dans les pays lointains à la recherche de l'or et des épices. Un jour, Daoud, le sultan, a dit à son peuple « Vous pouvez mettre vos bateaux à la mer et jeter vos filets 6 jours par semaine, mais vous ne devez pas travailler le 7e jour. Ce jour-là, vous devez aller à la mosquée pour remercier Allah de sa générosité. » Les habitants d'Eyla se sont vite réunis sur la place du marché et ils ont parlé contre leur chef. « Que veut-il dire avec ce 7e jour de repos? Est-ce que nous devons perdre 1/7 de nos gains? Ignorons cette nouvelle loi. » Et le 7e jour, ils ont mis leur bateau à la mer et ont jeté leurs filets. Mais les filets se sont remplis d'algues et de pierres, et ils n'ont pas attrapé un seul poisson. Les hommes sont retournés chez eux pleins d'effroi. Ils se sont lavés, mis leurs plus beaux vêtements et sont allés à la mosquée. Ils espéraient que le sultan ne savait pas qu'ils avaient travaillé le jour défendu. Mais Daoud savait qu'ils avaient désobéi, car rien ne lui était caché. Il a maudit ses sujets. Leurs corps se sont couverts de fourrure et il leur est poussé une longue queue. Les habitants d'Eyla étaient devenus des singes. Pourtant, le sultan leur a laissé la faculté de parler. Mais par peur de devenir les esclaves des hommes, les singes ont fait semblant de ne parler ni ne comprendre leur langue.